Pas de la magie, j'en fais des tonnes avec mes atouts, je le matrix. On parle des heures au téléphone, j'avoue, je le matrix. Il dit que je suis chiante et capricieuse, mais le voilà rebelle. Des câlins, des caresses, en vrai l'enroute de moi. Je suis choqué, choqué, choqué, choqué, choqué le pot. Choqué, choqué, choqué, choqué, choqué le pot. T'aimes trop les folles comme moi, assume. Faut du cardio, je te l'avais dit. Mon body space est sexy, sexy, sexy. Même quand je marche, les gens disent elle est sexy. Je minimum 10 compliments cet après-midi. Dès qu'il m'a vu, il a dit je veux cette fille. Des attitudes et de badis. Ça te dérange, tu m'as pas dit. Je le contrôle, j'ai dit. C'est normal, je suis sagadi. Je le domine, il donne tout, tout, tout. Avec moi, il est tout, tout, tout. Elle est trop chargée donc je suis jamais méchant. C'est pas le genre de meuf à qui tu poses des questions. Elle est crazy mais je la kiffe et c'est pas récent. Tu fais croire qu'elle décide mais après minuit dit l'heure qui tient la manette, hein. Dis-leur qui voit des paillettes, hein. Qui en une nuit fait le tour de la planète, hein. Pas des attitudes de badis mais c'est ma baby. Mon body style, c'est sexy, sexy, sexy. Même quand je marche les gens disent elle est sexy. Je minimum 10 compliments cet après-midi. Dès qu'il m'a vu, il a dit je veux cette fille. Des attitudes et des badis. Ça te dérange, tu m'as pas dit. Je le contrôle, j'ai dit. C'est normal, je suis sagadi. Je le domine, il donne tout, tout, tout. Avec moi, il est tout, tout, tout. Mais je te voulais, t'as trop de charme, oui. Mais ça s'est fait comme ça, bébé. Il est possible qu'entre nous ça s'enflamme. C'était pas prévu comme ça, bébé. Mais je te voulais, t'as trop de charme, oui. Mais ça s'est fait comme ça, bébé. Il est possible qu'entre nous ça s'enflamme. Des attitudes de badis. Ça te dérange, tu m'as pas dit. Je le contrôle, chaque dit. C'est normal, je suis sagadine. Je le donne.